إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 4 en explication de la aqida de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab expliqué par le cheikh Saleh Al-Fawzan, et la semaine passée on a expliqué un des aspects de la foi en l'islam, c'est-à-dire la foi, c'est la foi en Allah. On a parlé de la foi en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab il va nous parler d'un autre aspect, un autre point parmi les points de l'aqida d'Ahle Sunnah wal Jama'a, comme étant sa propre aqida à lui-même, puisque c'est un des grands ulama qui fait partie des ulama d'Ahle Sunnah wal Jama'a. Donc, le Cheikh, il dit, وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَسَطٌ بَيْنَ أَهْلِ بَيْنَ وَالْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ وَسَطٌ فِي بَابِ أَفْعَالِهِ تَعَالَى بَيْنَ الْقَدَرِيَّةِ وَالْجَبْرِيَّةِ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le groupe sauvé, il est entre les, il est au juste milieu, dans le juste milieu, dans le chapitre, dans le, les questions qui ont rapport avec les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont entre la secte des Qadariyya et entre la secte des Jabriyya. Ça, c'est deux extrêmes dans la question de Qadar, de la prédestination. Il y a les deux sectes qui sont à deux extrêmes opposés. Al-Qadariya qui nie Al-Qadar, puis Al-Jabriya qui exagère dans l'affirmation de Al-Qadar, et il y a le juste milieu qui est la voie d'Ahlul Sunnah wal Jama'a, le groupe sauvé, Al-Firqatul Najiyah. Donc on va lire l'explication du Cheikh Saleh Al-Fawzan maintenant. Cheikh il dit, لَمَّا ذَكَرَ الشَّيْخ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي أَوَّلِ الرِّسَالَةِ أُصُولِ الْإِيمَانِ وَهِيَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَبَيَّنَ أَنَّهُ عَلَى عَقِدَةِ السَّلَفِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مُخَالِفًا بِذَلِكَ فِرْقَتَي الْمُعَطِّلَةِ وَالْمُشَبِّهَةِ وَالْمُمَثِّلَةِ وَقَرَّرَ هَذَا الْأَصْلَ الَّذِي هُوَ دَاخِلٌ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَنَّ الْإِيمَانَ بِاللَّهِ يَشْمَلُ الإيمان بتوحيد الربوبية والإيمان بتوحيد الألوهية والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. Le Cheikh au début de la Risala, il a expliqué les piliers de la foi, les fondements de la foi, c'est-à-dire la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi en Al-Qadar, la foi en Al-Qadar, la prédestination, khayrihi wa sharrihi. Ensuite, il a expliqué qu'il est sur la aqidah des salafs, qu'il est sur la aqidah des salafs en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux deux groupes et aux deux sectes extrémistes, hein, par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, c'est-à-dire al-mu'attila, ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui nient leur sens, wal-mushabbiha wal-mumassila, c'est-à-dire ceux qui font des ressemblances. L'autre extrême, c'est l'autre, ceux qui font des ressemblances entre Allah et sa création. Hein. Et il a expliqué que, il a dit que cet aspect-là, ça rentre dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a établi et confirmé ce principe-là, cette base, et il a expliqué que ça rentre dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la foi en Allah, ça comprend trois choses. Premièrement, la foi en Tawhid al-Rububiyyah, la foi en l'unicité d'Allah dans sa souveraineté. الإيمان بتوحيد الألوهية la foi en l'unicité d'Allah dans son adoration والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات ça veut dire de croire en l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. ثم ذكر في هذه الجملة ما يتعلق بالأصل الأخير وهو الإيمان بالقدر لأن هذا واقع لأن هذا وقع فيه وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لأن هذا وقع فيه خلاف تفرق بين خلاف وتفرق بين طوائف القدرية والجبرية لأن هذا وقع فيه خلاف وتفرق بين طوائف القدرية والجبرية الشيخ الدي دونك الدي أنسيت للشيخ محمد بن عبد الوهاب dans ce point-là maintenant qu'est-ce qu'il explique il explique يعني la qu'est-ce qui a rapport avec le fond un autre fondement de la foi c'est le dernier des piliers de la foi le sixième la foi en al-qadar et il explique il parle de ce principe de ce point-là ou de cette de ce pilier de la foi-là en particulier parce que au sujet de ce pilier-là il y a eu beaucoup de divergences et beaucoup de divisions entre les différents groupes, ceux qu'on appelle par exemple Al-Qadariya et ceux qu'on appelle Al-Jabriya. Ok? Là, le Cheikh dit أما القدرية فالمراد بهم الذين ينفون القدر وهم المعتزلة أتباع واصل بن عطاء. واصل بن عطاء سموا بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري رحمه الله. وكونوا لهم جماعة وتبنوا مذهبا في التوحيد يخالف مذهب أهل السنة والجماعة وأيضا في أصول الإيمان جعلوا لهم أصولا غيرها وأيضا في أصول الإيمان جعلوا لهم أصولا غيرها وهي الأصول الخمسة الشيخ الزي في كونسان القدرية السك qu'on appelle Al-Qadariya, ce sont ceux qui nient la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils nient Al-Qadar. Et ce sont ceux qu'on appelle les Mu'tazila. Ceux qui ont suivi un homme qui s'appelle Wasil ibn Atta. Donc on les appelle les Mu'tazila. Pourquoi? Parce que Wasil ibn Atta, il s'assoyait dans le dars de Al-Hasan al-Basri à l'époque des Salaf Salih. Il était un des élèves de Al-Hasan al-Basri. Et Al-Hasan al-Basri, c'est un des grands tabi'in. Un des grands élèves parmi les élèves des Sahaba, qu'on appelle les tabi'in. Il a étudié avec de grands parmi les Sahaba. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Alhamdulillah, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que Al-Hasan al-Basri, il expliquait certains points qui avaient rapport avec la foi, puis lui, Wasil ibn Atta, il a divergé. Donc il a voulu se séparer. Il est allé s'asseoir à l'écart dans la mosquée, il a fait son propre dars. Et à cause de ça, on les a appelés les Mu'tazila. Pourquoi? Parce qu'ils se sont écartés. C'est de là que ça vient linguistiquement, le terme Al-Tazala. C'est-à-dire ceux qui se sont séparés, on les appelle pour ça, c'est pour ça qu'on les appelle des Mu'tazila. Donc eux, ils se sont fait leur propre groupe, leur propre croyance, leur propre secte, ok, qui est en opposition dans le Tawhid avec la position de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils se sont fait leur propre groupe. Et également dans les questions de l'Iman aussi, ils ont établi des fondements autres que les six piliers de la foi qu'on connaît. Ils ont appelé ça les cinq piliers. Donc eux, ils se sont inventés cinq autres piliers. Et ces cinq piliers-là, c'est les suivants. At-Tawhid, Al-Adl, je vais les mentionner les cinq rapidement, puis après on va les expliquer un par un, c'est quoi les cinq piliers, les cinq fondements des Mu'tazila. Le premier, c'est At-Tawhid. Le deuxième, c'est Al-Adl. Le troisième, c'est, bon, At-Tawhid, c'est l'unicité. Al-Adl, c'est la justice. الثالث le troisième c'est الامر بالمعروف والنهي عن المنكر l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal Le quatrième, c'est al-manzila bayna al-manzilatayn, c'est le niveau entre les deux, entre les deux niveaux. Et le cinquième, c'est al-infaz al-wa'id, l'exécution de la menace. Donc, ça, c'est les cinq piliers des Mu'tazila. Ils ont basé leur aqida sur ces cinq piliers-là. Qu'est-ce que ça veut dire, ces cinq fondements? التوحيد الأول التوحيد يريدون به نفي الصفات يسمون نفي الصفات توحيدا لأن إثبات الصفات يقتضي تعدد الآلهة عندهم. Le premier pilier pour eux c'est le tawhid. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par le tawhid? Ils ne veulent pas dire la même chose que nous quand on parle de tawhid. On a expliqué que pour nous le tawhid c'est tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya, tawhid al-asma al-sifat. Pour eux, le tawhid, ça consiste à nier les noms et les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, ils nient al-asma al-sifat complètement, et ils ne croient qu'en al-rububiyya seulement. Ok? Donc, c'est ça la signification pour eux de al-asma de al-tawhid, ok? C'est d'enlever à Allah tous ses attributs. Parce qu'ils pensent que si tu affirmes les attributs d'Allah, ça veut dire que tu affirmes plusieurs divinités. Ils pensent que si tu affirmes plusieurs attributs d'Allah, tu affirmes plusieurs divinités. Donc, ils nient les attributs. الثاني العدل يريدون به نفي القضاء والقدر لأنهم يقولون إثبات القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم في حق الله تعالى حيث يعذب عباده على شيء قدره عليهم. Le deuxième, c'est qu'est-ce qu'ils appellent la justice, c'est-à-dire ils veulent par la justice nier la prédestination et le décret divin. Parce qu'ils disent que d'affirmer la prédestination et le décret divin, ça implique de l'injustice hein, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça implique pour eux de l'injustice de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens qu'il va punir ses serviteurs pour quelque chose qui leur a été prédestiné. Donc eux ils disent, ça, si c'est comme ça, ça veut dire que c'est de l'injustice. Donc, on nie la prédestination comme ça pour dire que il y aura pas, c'est pas de l'injustice puisque on veut pas dire que Allah est injuste. Donc, on nie la prédestination. Ça c'est leur argument. Ok. Bien entendu, vous devez comprendre que les Mu'tazila se basent sur la raison en premier. Se basent pas sur la révélation comme étant un fondement pour eux. Oui, là-bas, c'est l'aql, c'est la raison en premier. Après, la révélation, si ça ne marche pas avec leur aqida, ben, ils essaient de changer la signification pour que ce soit en accord avec leurs idées. Le troisième, c'est al-amru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa yuriduna bihi al-khuruj 'ala wulat al-umur. Falladhi yakhruj 'ala al-wulat, hadha huwa alladhi ya'muru bil ma'ruf. Le troisième point, parmi les fondements des Mu'tazila, c'est l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Vous voyez qu'ils utilisent des termes qui sont bons en apparence, comme la justice, comme le tawhid, comme l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Personne n'est contre, peut être contre ces termes. Sauf que qu'est-ce qu'ils veulent dire par l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal? Ils veulent dire que tu dois te révolter, te rebeller contre les dirigeants, leur ordonner. C'est ça que ça veut dire pour eux. S'ils voient qu'un dirigeant est injuste ou qu'il fait du mal, ils se rebellent contre lui, ils se révoltent contre lui, et ils appellent les musulmans à les renverser, à prendre le pouvoir, et à les enlever du pouvoir. Donc ça c'est, pour eux, c'est ça d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et ça c'est contraire à la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'ah. On sait que c'est la voie des Khawarij. Le quatrième point, c'est al-manzila bayn al-manzilatayn. وهذه هي التي خالفوا واعتزلوا من أجلها مجلس الحسن. لما سئل الحسن رحمه الله عن حكم مرتكب الكبيرة، أجاب بما عليه أهل السنة والجماعة. قال هو مؤمن ناقص الإيمان، فلا يكفر كما تكفر الخوارج ولا يوصف بالإيمان الكامل كما تقوله المرجئة بل هو مؤمن ناقص الإيمان فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلما أجاب الحسن بهذا الجواب كان واصل بن عطاء تلميذا له قال أنا أقول إنه لا مؤمن ولا كافر بل هو في المنزلة في المنزلة بين المنزلتين يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر فهو في المنزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر فإن مات ولم يتب فإنه يكون خالدا في النار كما تقوله الخوارج فأحدثوا القول بالمنزلة بين المنزلتين وعرفوا بذلك donc le cheikh explique que le quatrième fondement des Mu'tazila c'est de croire en le degré entre les deux c'est-à-dire que pour eux entre la foi et la mécréance il y a un degré entre les deux qui n'est ni quelqu'un est ni croyant ni mécréant dans ce degré-là on peut pas dire qu'il est un croyant, on peut pas dire qu'il est un mécréant, il est entre les deux. Ok? Donc c'est ça que ça veut dire. Et c'est dans cette question-là qu'ils ont divergé avec le tabi'i al-Hassan al-Basri. Parce que, comme je disais, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, comme je disais, il faisait partie des gens qui s'assoyaient dans le cours de l'imam al-Hassan al-Basri, le tabi'i. Alors qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque l'imam al-Hassan al-Basri qui était un des élèves des Sahaba hein, on lui a posé la question à propos de la personne qui fait des grands péchés on lui a demandé celui qui fait des grands péchés qu'est-ce qu'on dit à son sujet c'est quoi le verdict alors il a répondu que la voie de, selon la voie de Ahl-Sunnati wal-Jama'a qu'il est croyant mais que sa foi elle est déficiente sa foi, elle est pas complète. Donc, on ne déclare pas que cette personne-là est mécréant, comme les Khawarij, parce que les Khawarij, eux, ils disent que c'est un kafir, et on ne déclare pas non plus comme étant un croyant avec une foi complète, contrairement aux Murji'a, qui sont à l'autre extrême, qui disent que, si tu, peu importe que, quel péché tu fais, ta foi reste toujours complète et parfaite, même si tu fais des péchés. Donc, ça c'est l'autre extrême. Et la voie d'Ahl-Sunnati wal-Jama'a c'est entre les deux. Non, il n'est pas mécréant, il est croyant. Sauf que sa foi n'est pas complète, elle est imparfaite. Et il est croyant, mais sa foi est incomplète. Il est croyant à cause de sa, la foi qu'il a dans son cœur, mais il est fasiq, il est pécheur à cause de son péché. Lorsque Al-Hassan al-Basri a donné cette réponse-là, Wasil ibn Atta n'était pas satisfait. Et c'était un élève de Al-Hassan al-Basri à l'époque. Alors il a dit, moi non, moi je ne suis pas d'accord avec cette opinion-là. Moi je dis qu'il n'est pas croyant, il n'est pas mécréant. Il est entre les deux, dans un degré entre les deux. Il sort de la foi, mais il n'entre pas dans la mécréance. Donc il est entre les deux degrés. Il n'est pas croyant ni mécréant. Hein? Et s'il meurt sans se repentir, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Comme la parole des Khawarij. Donc, après la mort, il est d'accord avec les Khawarij. Ils disent qu'il est éternellement en enfer. Donc ça, c'était une nouvelle parole qui a été innovée dans l'islam. Une bid'a qui a été ramenée. Et ils ont été connus, les Mu'tazila, à cause de ce point-là en particulier. Et ça c'est, si vous retournez au livre Al-Milal ou Al-Nihal de l'imam Al-Shahristani et Al-Sir A'lam Al-Nubala de l'imam Al-Zahabi, vous allez retrouver les détails à ce sujet-là dans le volume 5 à la page 464 dans Sir A'lam Al-Nubala. Après il dit le cinquième fondement des Mu'tazila c'est Infaz Al-Wa'id. L'exécution de la menace. يريدون به أن النار لا يخرج منها من دخلها فأوجبوا دخول مرتكب الكبيرة من أهل القبلة في النار وقالوا من استحق العذاب لا يستحق الثواب ومحط البحث الآن في الأصل الثاني وهو العدل أما مرتكب الكبيرة فيأتي بعده مباشرة إن شاء الله. Donc le cheikh dit que comme cinquième fondement, ils ont l'idée qu'il faut que la menace soit exécutée. C'est-à-dire que si quelqu'un rentre dans l'enfer, parmi les croyants, eh bien, ils disent que du moment qu'il a fait un grand péché et qu'il est rentré en enfer et qu'il fait partie des musulmans, il ne peut pas en sortir. Du moment qu'il a mérité l'enfer, il ne peut plus mériter le paradis ou la récompense. Bien entendu, ça c'est contraire à la croyance d'Al-Sunnah wal-Jama'a. Mais le point qui nous concerne aujourd'hui, c'est le point numéro 2, le fondement numéro 2 des Mu'tazila, c'est-à-dire le fait qu'il nie la prédestination, parce que on est en train de parler de cette question-là aujourd'hui. En ce qui concerne la question des gens qui ont fait des grands péchés, ça, on va en parler demain, Inch'Allah. Si on a le temps de finir le qadar aujourd'hui, demain on parlera de la question de la foi et des gens qui font les grands péchés, Inch'Allah. Le Cheikh il dit, فَالْعَدْلِ هُوَ نَفْيُ الْقَدَرِ هُوَ نَفْيُ الْقَدَرِ عِنْدَهُمْ وهذا غلط فيه وهذا غلط فيه المعتزلة والجبرية وهما على طرفين نقيض. Donc la question de la justice, comme ils les appellent, comme eux les Mu'tazila l'appellent, c'est en fait la négation de la prédestination. Et ça c'est une erreur dans laquelle est tombé les Mu'tazila et les Jabriya. Et les deux sont à deux extrêmes. Les Mu'tazila, eux, ils disent non, il n'y a pas de prédestination. Et les Qadariya, non, pardon, les Mu'tazila, ce sont les Qadariya. Les Qadariya sont plusieurs groupes. Parmi les groupes de ceux qui nient la prédestination, il y a les Mu'tazila. Puis les Shia aussi. Parce que les Shia ont adopté les croyances des Mu'tazila. Donc tu peux dire que ce sont les Shia aussi. Ils nient la prédestination. Et il y a l'autre extrême, qui sont les Jabriya, eux, ils affirment la prédestination, mais d'une façon extrémiste. Hein? C'est-à-dire, ils l'affirment à un point tel qu'ils nient choix et toute volonté et toute capacité pour le serviteur. C'est ça. Ils disent, c'est comme, tu peux rien choisir, tu peux rien faire. Comme le frère, il dit. Hein? Le fatalisme. C'est-à-dire, comme, on va le voir l'exemple. Je vais pas devancer le cheikh, on va voir, il va l'expliquer lorsque on arrive à la définition des Jabri, on va l'expliquer. Le cheikh, il dit seulement, Mu'tazila, يقولون إن العبد مستقل بفعله. ليس لله فيه قضاء ولا قدر. إنما العبد هو الذي يستقل بفعله. والأمر أنف. يعني مستأنف. لم يقدر ولم يكتب في اللوح المحفوظ. وغلاتهم يقولون لم يعلمه الله قبل وقوعه فينفون العلم وهؤلاء كفار بلا شك لأنهم إذا نفوا العلم فهم كفار أما جمهورهم فيقولون الله يعلمه ولكنه لم يقدره وإنما علم أن هذا سيقع لكنه بدون تقديره منه سبحانه وتعالى. Donc les Mu'tazila, ceux qui disent la Qadar, ils disent que l'être humain, il est indépendant dans ses actions. Et que Allah n'a pas décrété rien de ses actions et n'a rien prédestiné. Ils disent que l'être humain, il est libre et il est indépendant dans ses actions, que les choses se produisent comme ça par chance. Hein. Que c'est pas quelque chose qui a été prédestiné. Et, c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné. C'est pas lui qui l'a pas écrit dans l'étape préservée. Et parmi les Mu'tazila ou les Qadariya, il y a un groupe d'extrémistes qui vont même jusqu'à dire que Allah ne savait pas ce qui allait se produire avant que ça se produise. Et ceux-là sont des extrémistes parmi les Qadariya, et ceux-là sont ceux qui nient la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science infinie d'Allah, et ceux-là sont des kuffars sans aucun doute s'ils nient la science d'Allah, ils sont des kuffars. Mais la grande majorité des Mu'tazila ou des Qadariya, ils disent non, Allah, il le sait. Donc ils croient que Allah a la science de toutes choses. Sauf qu'ils disent qu'il ne l'a pas prédestiné. Il ne l'avait pas prédestiné. Il a su que ça allait se produire, mais sans que ce soit prédestiné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ça, ce sont des Mubtadi'a. Ce sont des Mubtadi'a. Le Cheikh, il mentionne les paroles du Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah dans Al-Aqidah Al-Wasitiyah, à ce sujet-là en particulier. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية يقول إن السنف الأول وهم الذين ينفون العلم انقرضوا أما القائل به منهم قليل في وقت الشيخ أما الآخرون فلا يزالون إلى الآن باقون يقولون إن الله يعلمه ولكن لم يقدره وإنما العبد هو الذي أحدثه بدون أن يقدره الله عليه وهؤلاء هم القدرية سموا بالقدرية لأنهم ينفون القدر فيغلون في إثبات أفعال العباد ويقولون هم الذين يجدونها بدون أن يقدرها الله بدون أن يقدرها الله دونك شيخ الإسلام ابن تيمية يزيد على الواسطية que le premier groupe, les groupes des extrémistes qui nient la science d'Allah, ceux-là sont finis, ils n'existent plus aujourd'hui. À l'époque du Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Taymiyyah disait que cette catégorie des extrémistes qui nient même la science d'Allah, ils n'existent presque plus. À l'époque d'Ibn Taymiyyah, ils existaient déjà presque plus. Donc, il n'existe pas vraiment beaucoup de gens qui nient la science d'Allah parce que leur kufr est tellement clair. Si quelqu'un nie la science d'Allah, c'est clair qu'il tellement clair comme égarement qu'il n'y en a pas beaucoup comme de ces gens-là. Toutefois, ceux qui font partie des autres, de la majorité des Mu'tazila ou des Qadariya, ceux-là sont plus nombreux, c'est-à-dire ceux qui nient la volonté d'Allah et qui nient, par exemple, que Allah est celui qui a créé nos actions, ou bien qui nient l'écriture. Il y en a parmi les jeunes bid'a qui nient que Allah a écrit nos actions ou des choses de ce genre. Et ceux-là, c'est ceux qui sont les plus répandus parmi les Mu'tazila. Donc, le Cheikh, il dit que ceux-là, c'est ceux-là qui existent maintenant, ils disent que Allah, il sait qu'est-ce qu'on va faire, mais qu'il n'a pas prédestiné ces actions-là. Et c'est l'être humain lui-même qui crée ces actions. Sans que Allah les prédestine. D'accord? Et ceux-là, donc, ce sont les Qadariya qui nient le Qadar. Et, ils exagèrent dans l'affirmation des actions des serviteurs. De façon comment ils affirment que les êtres humains ont une volonté et une capacité. Ils exagèrent à ce point, dans cette question-là, au point de la mettre au-dessus de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et au-dessus de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme si chaque être humain était un petit créateur de lui-même. Hein? Et c'est pour ça qu'on les appelle les majus de cette umma. Les majus de cette umma. Pourquoi? Parce que les majus, eux, ils croient qu'il y a deux dieux. Un dieu du bien puis un dieu du mal. Et les zoroastriens, oui. Puis les manichés, en tout cas, des trucs comme ça, oui. Un autre nom, donc c'est dans ce sens, c'est dans cette catégorie-là. Donc ils disent qu'ils font eux-mêmes, ils créent eux-mêmes leurs actions, puis que c'est pas Allah qui les a prédestinés pour eux. À l'autre extrême, il y a les al-Jabriya. Amma al-Jabriya, fahum al-Jahmiya. Wa man akhadha bi qawlihim. Wa hum ala al-Naqib. يغلون في إثبات القدر والمشيئة وينفون أفعال العباد ويقولون العبد مجبور ليس له اختيار في أفعاله وإنما يحرك كما تحرك الريشة في الهواء أو هو كالميت الذي بين يدي الغاسل يقلبه وليس له اختيار فهم غلوا في إثبات القدر وإرادة الله سبحانه وتعالى ونفوا أفعال العباد واعتبروهم مجبرين على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار ولا مشيئة ولذلك سموا بالجبرية لأنهم يقولون بالجبر الشيخ يذكر الجبرية تصون لجهمية الجهمية تصون لجاكي خواء Al-Jabriya. Il croit que l'être humain, hein, il n'a pas de volonté ni de capacité pour lui-même. Eux, ils sont à l'extrême des Qadariya. Les Qadariya disent que c'est les êtres humains qui créent eux-mêmes leurs actions. Ils sont libres, indépendants d'Allah, dans sa puissance et ainsi de suite. hein, il fait lui-même, il décide lui-même. Tandis que les Jabriya, eux, c'est à l'autre extrême, ils disent non. Ils affirment tellement la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils affirment tellement la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils vont jusqu'à aller à dire que l'être humain, il n'a aucune action. Ils disent qu'on ne doit pas dire que nos actions, c'est nos actions à nous. On doit dire que nos actions, c'est les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout ce qu'on fait, c'est Allah qui le fait. Hein? Et quand on dit qu'on fait quelque chose nous-mêmes, c'est uniquement symboliquement. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons réellement. Hein? Ça, c'est les Jabriya. Donc, ils disent que l'être humain, il est forcé de faire ce qu'il fait. Il n'a aucun choix dans ce qu'il fait dans ses actions. Il est comme une plume dans le vent. La plume, elle souffle, le vent, elle souffle la plume. La plume, elle suit qu'est-ce que le vent lui fait faire. Elle n'a pas de volonté. Et ils disent que l'être humain, il est comme ça. Ou bien, il est également comme quelqu'un qui est mort quand quelqu'un le lave son corps. Il lève son bras, il lève sa jambe, ou bien il le nettoie un peu partout, mais il tourne sa tête, des choses comme ça. En voulant dire que c'est pas l'être humain qui décide qu'est-ce qu'il fait et qui est maître de ce qu'il fait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait faire toutes ces choses-là et qui lui impose et qui le contraint à faire tout ce qu'il fait. D'accord? Donc, eux, ces gens-là, ils nient le choix de l'être humain. Donc, ils ont exagéré dans l'affirmation de la prédestination et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont nié complètement les actions des êtres humains. Ils ont nié complètement les actions des êtres humains. Ça, c'est les Jabriya, ok? Puis on a dit que ce sont les Jahmiya. Parmi eux, il y a aussi les Soufiya. Il y a beaucoup de Soufiya, ils rentrent dans la secte des Jabriya eux aussi. Parce qu'ils disent que le but d'arriver dans l'islam, le plus haut niveau, c'est d'arriver au point où tu témoignes de la rububiyya d'Allah, et puis que tu deviens un avec Allah subhanahu wa ta'ala, ou des choses comme ça. Et ceux qui croient en wahdatul wujud, justement, ils croient en ça que, justement, ils sont plus maîtres de leurs actions et des trucs de ce genre. Puis il y a aussi les Asha'ira, pardon. Les Asha'ira, eux, ils disent oui, l'être humain, ils disent que l'être humain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui fait faire les actions qu'il fait. Sauf que on lui attribue ces actions-là en l'appelant le kasb, al-kasb. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et ils disent que al-kasb, c'est un effet, c'est un effet qui a pas, non, c'est un, comment ils disent, al-kasb, al-illa al-ghayr al-mu'assira. C'est comme ça qu'ils l'expliquent. Ils disent que c'est une force que l'être humain a, mais qui n'a pas d'effet sur les choses. Et donc, c'est pour ça que la plupart des ulama ont dit à propos des Asha'ira, quand ils parlent du kasb, ils disent que c'est une chose qui n'est pas logique, hein, et que ça a été rejeté par tous les savants, cette idée-là, al-kasb, de l'idée de al-Ash'ari. Et la réalité à propos de qu'est-ce qu'on appelle al-kasb, c'est que nos actions, al-kasb, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est nos actions. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, jaza'an bima kanu ya'maloun et jaza'an bima kanu yaksiboun. Et al-kasb et al-amal, c'est les deux, c'est la même chose. Sauf que eux, les Asha'ira, ils font une différence entre al-kasb et al-amal. Et ils disent non. Le kasb, c'est pas nos actions. Hein. Ils disent que le kasb, c'est une puissance, mais qui n'a pas d'effet. Hein. Et donc, ils se contredisent dans cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la croyance des Jabriya. Et ils disent que l'être humain est forcé de faire ce qu'il fait. Et si vous retournez au livre des Asha'ira aujourd'hui, qui est enseigné dans les universités des Asha'ira, comme Jawharat al-Tawhid et d'autres, vous allez voir quand il parle de l'Qadar et quand il parle de Af'al al-Ibad, il nie que l'être humain a des actions. Et il rentre ça dans qu'est-ce qu'ils appellent la théorie du kasb. Bon, je suis sorti du livre là en parlant de ça, mais le cheikh aussi, cheikh Fawzan, il en parle de cet aspect-là des Asha'ira, dans son livre, dans le charh de l'Aqida al-Safariniya. Dans le charh du Cheikh Fawzan de al-Safariniya, il rentre dans la question des Asha'ira et de Al-Kasb et tout ça, et il explique la contradiction des Asha'ira à ce sujet-là. Et aussi également Cheikh Al-Fawzan et Cheikh Al-Mutaymiyyah, il parle de ça dans Majmou al-Fatawa, et beaucoup d'autres imams de Ahl al-Sunna aussi ont réfuté les Asha'ira à ce sujet-là. même que Al-Shahr al-Thani lui-même, qui faisait partie des Asha'ira ou des Mutakallimin, eh ben il a classé les Asha'ira parmi les Jabriya dans Al-Milal wa Al-Nihal, si je ne me trompe pas. Donc ça c'est des exemples à ce sujet-là. الشيخ يقول ensuite: فأهل السنة والجماعة توسطوا كما هي عادتهم في كل أمور الدين، وهم وسط فيها، فأثبتوا أن للعبد فعلا ومشيئة واختيارا، ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئة الله وإرادته، فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وإرادة وأفعالا خلافا للجبرية، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره خلافا للقدرية، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله. نعم، وقالوا فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وإرادة وأفعالا خلافا للجبرية، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره خلافا للقدرية، خلافا للقدرية، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلولا أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة لما عذبه الله على أفعاله، فلو كان مجبرا كما تقوله الجبرية لم يعذبه الله على أفعال ليس له فيها اختيار. الشيخ يقول que les gens d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, ils sont entre ces deux groupes extrémistes dans la question de la prédestination, comme c'est à leur habitude. Les gens d'Ahl al-Sunnah sont toujours au juste milieu, hein, dans la question des divergences qui sont arrivées parmi les gens de Bid'ah dans les questions de croyance. Donc les gens d'Ahl al-Sunnah ont affirmé que l'être humain, la créature, le serviteur d'Allah, il a une action qui est à lui, qu'on peut lui attribuer réellement. Et il a une volonté, et il a un choix. Toutefois, il ne sort pas, malgré qu'il a tout ça, il ne sort pas de la volonté d'Allah et de son vouloir. Donc on affirme à l'être humain une volonté, un choix, un vouloir et des actions, contrairement aux Jabriya, hein, qui disent qu'on n'a pas rien de ça. Mais on dit que ça ne sort pas de ce que Allah a décrété et de ce qu'il a prédestiné. Contrairement aux Qadariya, puisque eux, le Qadariya, ils ne font qu'affirmer que l'être humain a une volonté et une capacité et des actions et un choix, sans dire que c'est limité par qu'est-ce que Allah a décrété et prédestiné. Ils disent que l'être humain est indépendant, il est libre complètement. D'accord? Donc, ça c'est les différences, la différence d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah entre les deux. Et le Cheikh, il dit que la position d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, elle est supportée par les preuves du Coran et de la Sunnah. Ok? Dans la Sunnah du Messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et si l'être humain n'avait pas de volonté et de choix et de capacité, comment Allah le punirait-il pour ses actions? Hein? Si l'être humain était forcé de faire ce qu'il fait, comme le disent les Jabriya, alors comment Allah pourrait-il le punir pour des actions qu'il a été contraint de faire? Hein? Et ça, ce serait de l'injustice, effectivement. Hein? Si Allah nous punirait pour des actions que lui-même nous a forcé de faire, ce serait de l'injustice de sa part. Donc le Cheikh dit, « ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقوله لمن شاء منكم دل على أن الإنسان يستقيم على طاعة الله بمشيئته ولا يجبر على ذلك، وإما أن يستقيم وإما أن يعصي، فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر، وهو المؤمن والكافر، والفاسق والزاني والسارق والشارب هو نفسه. فأثبت للعبد مشيئة في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا رد على القدرية، فأول الآية رد على الجبرية وآخرها رد على القدرية، فالآية فيها رد على الطائفتين. لشيخ الزي parmi les preuves d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, il y a le verset dans sourate At-Takwir, le verset 28 et 29. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pour quiconque d'entre vous souhaite se mettre sur le droit chemin, hein, se mettre droit, mais vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Donc le cheikh il dit que dans la parole d'Allah, lorsqu'il dit dans le verset 28, pour celui d'entre vous qui veut se mettre droit, hein, qui souhaite être droit, ça indique que l'être humain, hein, il est capable de se mettre droit sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par sa volonté à lui, et qu'il ne peut pas, on peut pas, il n'est pas imposé, on lui impose pas de le faire ça dans le sens qu'il n'est pas contraint à faire à se mettre droit. C'est lui-même qui le décide, hein, par sa volonté. إما أن يستقيم وإما أن يعصي. Soit qu'il se met droit, ou soit qu'il fait un péché, il désobéit à Allah. Donc, c'est lui le croyant lorsqu'il croit, et c'est lui qui est mécréant lorsqu'il mécroit. Et c'est lui qui est le croyant, et c'est lui qui est le mécréant. Et celui qui est le pécheur, et le fornicateur, et le voleur, et le buveur lorsqu'il boit de l'alcool, hein, ou qui vole lorsqu'il vole, c'est lui-même l'être humain. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, hein, contrairement à certains parmi les égarés qui pensent que c'est Allah qui fait ça, hein. Donc c'est grave, et même parfois ils essaient d'utiliser des versets pour prouver ça dans le Coran. On prend le verset comme on a mentionné parfois, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, hein, et ils ne comprennent pas le tafsir de ce verset là, hein, c'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé. En fait, le tafsir du verset, si tu le lis textuellement, tu traduis comme ça, ça veut dire que c'est pas toi qui l'as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Mais le tafsir, comment les salafs l'ont expliqué, c'est-à-dire c'est pas toi qui les as atteints lorsque tu as lancé, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que ce que tu as lancé les atteigne. C'est ça l'explication, comment les ulama l'ont expliqué. Eux, ils le prennent sans retourner au tafsir des salafs, ils l'interprètent à leur façon pour justifier la croyance des Jabriya. Et ils disent, c'est pas toi qui as lancé lorsque tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. Et Ibn Taymiyyah, il les a réfutés à ce sujet-là. Il dit, et donc quand tu dis, si tu dis ça de cette façon, ça, tu peux l'utiliser pour toutes les autres choses, toutes les autres actions que les êtres humains font. Hein? C'est pas toi qui as mangé lorsque tu as mangé, mais c'est Allah qui a mangé. Est-ce que tu peux dire ça? Allah, il mange pas, hein. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut faire la distinction entre l'action qu'Allah a créée et l'action qui est faite et le fait qu'Allah a créé cette action. Les deux, c'est deux choses différentes. Allah a créé l'acte de manger, mais c'est pas lui qui mange, hein. Donc ça, c'est l'exemple pour réfuter ces gens qui ont parlé de Jabriya. Après, le cheikh, il dit que l'être humain, donc Allah, il a affirmé dans le Coran que l'être humain, il a une volonté. L'être humain, il en a une volonté. Allah, il dit, لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمُ, c'est-à-dire, celui d'entre vous qui souhaite se mettre droit, ou qui veut se mettre droit, c'est-à-dire que l'être humain, il a une volonté. Ok, puis ensuite, il dit, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, mais vous ne pouvez vouloir excepté si Allah a voulu, le Seigneur des mondes. Donc il y a dans ce verset-là la réfutation des deux groupes. Il y a la réfutation des Qadariyas, hein, puis il y a la réfutation des Jabriyas. Parce que comme le cheikh il dit, le premier verset, le verset 28, il réfute les Jabriya, parce qu'il affirme la volonté du serviteur. Et le deuxième verset, le verset 29, il réfute les Qadariya, parce qu'on voit que notre volonté, elle est limitée par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le Seigneur des mondes. Okay? Donc, dans ce verset-là, il y a la réfutation des deux groupes extrémistes et des deux sectes d'égarement à ce sujet-là. Le cheikh il dit, لمن شاء منكم قوله لمن شاء لمن شاء أو لمن يشاء pardon وقوله لمن يشاء هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته وأنه يحرك وأنه يحرك بدون اختيار منه les Jabri font pas de distinction entre les actions qu'on fait qui sont pas en notre contrôle et les actions qu'on fait volontairement. Et c'est là, c'est une de leurs erreurs, ça. Parce que, il y a une différence entre ton cœur qui bat, et tes yeux qui se ferment automatiquement quand tu marches dehors, tes yeux, ou bien quand t'es assis, tes yeux se ferment tout seul, à quelques secondes, à chaque fois, ça se ferme tout seul, pour humidifier ton œil, hein. Et puis il y a plein d'autres choses que tu fais comme ça, comme la respiration, hein. Tout ça tu contrôles pas, hein. La même chose que si par exemple tu tombes par terre, lorsque tu tombes, tu contrôles pas ta chute 100%, hein. Tu peux essayer d'éviter de tomber de telle ou telle façon, mais quand c'est un accident, c'est un accident, c'est pas toi qui contrôles. Ça c'est des exemples. Mais lorsque tu es en train de faire un geste qui est réfléchi, hein, qui est choisi, qui est voulu par ta volonté, ça c'est autre chose. Tu ne peux pas comparer ça avec l'autre. C'est comme par exemple quand tu avales, tu manges, et puis le geste d'avaler, là, la déglutition, ça s'appelle, hein, eh bien ça c'est la déglutition. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hein, tu prends la nourriture, tu mets dans ta bouche, tu mastiques, après, t'avales. Le geste là que tu fais là, quand la nourriture descend là, ça c'est la déglutition, le déglutus, en tout cas quelque chose comme ça. Al-Muhim, comme tu dis, eh ben ce geste là il est automatique, hein, il est pas contrôlé par nous-mêmes. Donc, tout ça c'est des exemples. Eux ils font pas de distinction entre les gestes automatiques qui sont faits par le système qu'Allah a créé, c'est Allah qui crée ça en nous, qui fait que ça fonctionne tout seul, et entre les gestes qu'on fait qui sont réfléchis, hein, comme tu dis par exemple, bon je vais frapper lui, ou bien je vais donner sadaqa, ou des choses comme ça, il ne faut pas comparer les deux. Hein. Donc, le cheikh il dit, لِمَا يَشَىٰ هَذَا رَدُّ عَلَى الْجَبْرِيَةِ الَّذِينَ يُنْفُونَ مَشِئَةَ الْحَبِّ وَإِرَادَتَهُ وَأَنَّهُ يُحَرَّفْ بِدُونِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ وَقَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رد على القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبد ويقولون إن العبد يشاء ولو لم يشاء الله ولو لم يقدر الله وهو يفعل ويشاء بابتداعه وإيجاده هو وبعضهم يقول الله لا يعلم أفعاله قبل أن تقع وهؤلاء هم الغلاة وبعضهم يقول يعلمها لكنه لم يقدرها هذا هو الملخص البحث في هذه المسألة. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour celui qui décide ou pour celui d'entre vous qui veut, ça c'est une réfutation des Jabriya, ceux qui nient que l'être humain a une volonté. Il croit que l'être humain est, il se fait bouger comme un instrument, hein, comme un marteau ou comme quelque chose comme ça. Il y a un instant, c'est-à-dire qu'il n'a aucun choix dans ses actions. Et dans l'autre verset, il a un yasha Allah, sauf si Allah a voulu. Ça, c'est une récitation des qadariyas, ceux qui nient le qadar. Et ils exagèrent dans l'affirmation de la volonté de la créature. Et ils disent que l'être humain, il veut même si Allah ne veut pas. Et il veut, même si Allah n'a pas prédestiné quelque chose, même si Allah a prédestiné quelque chose, l'être humain peut aller contre ce qu'Allah a prédestiné. et il fait ce qu'il veut de lui-même, hein, et c'est lui qui fait, qui crée ses actions, ainsi de suite. Donc, il y en a même parmi eux, parmi les extrémistes, comme on a dit tout à l'heure, qui disent que Allah ne sait même pas ce qu'on va faire avant que ça arrive. C'est quand on fait quelque chose, on veut faire quelque chose, Allah ne sait pas qu'on va le faire. Mais une fois qu'on l'a fait, il le sait. Et en passant, avant même l'islam, j'ai eu des discussions avec des témoins de Jéhovah, quand j'étais plus jeune, et puis la croyance des témoins de Jéhovah, c'est ça. C'est de croire que Dieu, il ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avant qu'on le fasse. Il croit que c'est après qu'on l'a fait, c'est là qu'il le sait. Et il y en a un qui m'a donné même une fois un exemple. C'est comme, il m'a donné l'exemple d'une radio. Il me dit, c'est comme la radio, tu peux l'allumer, mais tu décides de la laisser fermer. Donc, il disait que comme Dieu, c'est la même chose. Il a décidé de ne pas savoir. En tout cas, les histoires qui ne tiennent pas debout, hein. Quand j'ai dit ça, j'ai dit, non, ça ne fait pas de sens. Parce que si tu ne crois pas au savoir éternel d'Allah, ça veut dire que tu n'as pas cru en Allah, hein. Donc, ça c'est un point dans lequel même les chrétiens, beaucoup de juifs aussi, et des autres gens de d'autres religions ont dévié. La question de Qadar, hein, d'autres gens ont dévié avant même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit venu à l'humanité avec l'islam. Il y avait déjà des gens des autres religions d'égarement auparavant, qui avaient déformé le message de leur prophète, et qui avaient déjà dévié sur ces questions-là, il y avait déjà des sectes à ce sujet-là. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72, et vous allez vous diviser en 73. Donc, c'est pour dire qu'il y avait déjà des sectes de ces choses-là avant même que l'islam arrive, hein, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive avec le Coran. Et la sunna, donc, c'est pour dire que, quand, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de Bid'a, ils ont essayé de ramener ces égarements-là qu'ils avaient avec eux parmi les musulmans. Mais alhamdulillah, étant donné que le Coran et la sunna sont la dernière des révélations et qu'elle est protégée par Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait dedans la réponse à toutes ces questions-là. Comment faire pour réfuter ces groupes qui ont exagéré ou qui ont dévié dans certaines questions de foi? Yani, peut-être certains d'entre les différents groupes des chrétiens, on en connaît certains d'entre eux, et certains groupes parmi les juifs aussi, on en connaît certains d'entre eux, mais est-ce qu'on connaît les 71 exactement, ou les 72 exactement? Pas nécessairement, parce que même parmi les musulmans, on ne connaît pas les 73 exactement, lesquels ils sont. Même comme certains chouchs qui ont expliqué à propos des 73, ils disent que ça c'est les bases seulement, il peut y en avoir plus à certaines époques, il peut y en avoir moins, ça dépend. Mais c'est juste pour dire que, pour montrer que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va y en avoir 73. Et donc ça c'est la base. Hein? Donc les salafs, ils ont expliqué que les bases de toutes les firaqs, elles sont de 4. C'est les shi'a, les khawarij, les qadariyah, et puis shi'a, khawarij, les qadariyah, et puis les Jahmiyyah, oui. Donc c'est les plus grosses bid'ah, les plus gros groupes de bid'ah, c'est ces 4-là, mais sinon il y en a d'autres aussi qui ont ramené d'autres bid'ah avec le temps aussi. Bon, ok, ensuite le cheikh il dit, ça c'est le résumé de la question qui a rapport avec les extrêmes. Maintenant, le cheikh, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit résumé de la foi de Al-Qadar selon Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Hein, et ça, c'est des choses qu'on a appris et qu'on devrait tous connaître maintenant. Mais on le relit quand même, c'est un bon rappel pour nous. Le cheikh, il dit, Wal-Qadar, wal-Qadar thabitun fi kitab Allahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, qala Allahu ta'ala, wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Wa alaykum salam wa rahmatullah. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وفي السنة حديث جبريل لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le cheikh il dit que la foi en le décret d'Allah et la prédestination est affirmée et confirmée dans le Coran et dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 2 dans sourate Al-Furqan, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. Il a créé toute chose et il l'a fait dans sa juste mesure. Hein? Et il mentionne aussi le verset 49 dans sourate Al-Qamar, إن كل شيء خلقناه بقدر. Nous avons créé toute chose dans une juste mesure. Et, يعني, بقدر. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a mesuré, il l'a prédestiné, il l'a prédéterminé. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Vous ne pouvez vouloir accepter si Allah a voulu, le Seigneur de l'univers ou des mondes. Ça, c'est dans le verset 29 dans le surat al-Takwir qu'on a lu tout à l'heure. Et dans la sunna, il y a le hadith de Jibril, alayhi salam, dans lequel le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, hein, à propos de la foi, l'iman, c'est de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier, et de croire en la prédestination, khayrihi wa sharrihi. Hein, on a expliqué ça, déjà. Le cheikh dit, l'iman ou bil qada'i wal qadar ala arba'i maratib, la budda min al-imani biha kulliha. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وهذه المرتبة هي التي نفاها غلاة القدرية. الشيخ يقول que la foi en al qadar il est basé sur 4 degrés, 4 principes, 4 conditions. Il est obligatoire de croire en ces 4 degrés là pour avoir une foi complète en Al-Qadar. Le premier degré, c'est la foi que, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a su toutes choses par sa science éternelle. Hein? La science qu'il a toujours eue comme étant son attribut éternellement. Hein? Il ne s'en sépare jamais de cet attribut-là. Il a toujours été omniscient. Et c'est un degré parmi les degrés que les extrémistes dans les gens qui ont nié la prédestination, ils ont nié ce degré-là. Les extrémistes ont nié la science d'Allah éternelle. Al-martabatu thaniya, al-iman bi anna Allah kataba fi al-lawh al-mahfouz kull shay. Li hadithi awwal ma khalaqa Allah tabaraka wa ta'ala al-qalam. Aw awwal ma khalaqa Allah al-qalam. Thumma qala lahu اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما يكون وما هو كائن الى ان تقوم الساعه والله جل وعلا يقول ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب الكتاب هو اللوح المحفوظ من قبل ان نبراها اي نخلقها ان ذلك على الله يسير والكتابة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء فالكتابة سابقة بأزمان على الخلق على خلق السماوات والأرض. Donc ça c'est le deuxième degré, c'est la foi que Allah subhanahu wa ta'ala, de croire que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit tout ce qui allait se produire dans la table préservée. Hein? Il a tout écrit. Et il mentionne le hadith qui est rapporté par Abu Dawood et At-Tirmidhi et Ahmad. Selon Ubadah ibn Samit, il dit que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'était la plume. Et il lui a dit, écris. Allah a ordonné à la plume de créer. Elle a dit, mais que dois-je créer? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, écris tout ce qui va se produire jusqu'au jour de l'heure du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran, dans Surat al-Hadid, il mentionne le verset qui dit « Il n'y a pas un malheur qui vous touche sur la terre, il n'y a pas un malheur qui atteint la terre ou qui vous atteint en vous-même, excepté que ce soit dans un livre, c'est-à-dire dans la table préservée, avant même que nous l'ayons créé, c'est-à-dire yani, avant même qu'Allah ait créé les cieux et la terre. » Et ça c'est le verset 22 dans Sourate al-Hadith, et ça c'est une chose facile à Allah. Qu'est-ce que tu dis? Da'ama, c'est quoi? Ça aussi ça mentionne la question de la, ça fait un lien avec le fait que Allah a tout écrit. Et wal-kitaba, l'écriture, elle était avant même la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre, Allah avait tout écrit. Et son trône était sur l'eau. Donc, l'écriture, elle précède la création des cieux et la terre. Le troisième degré, al-martabatu al-thalitha, martabatu al-mashi'a wal-irada. فكل شيء يقع فهو فكل شيء يقع فهو بمشيئة الله وإرادته. وفي هذا رد على القدرية، فلا يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يريده. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. إن الله يفعل ما يشاء. فكل شيء يحدث فقد شاءه الله وأراده بعدما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. Le Cheikh il dit que comme troisième degré, il faut croire que tout ce qui se produit dans l'univers arrive par la volonté d'Allah. Et ça c'est une réfutation des qadariya. C'est-à-dire il n'y a rien dans le monde qui puisse se produire excepté que c'est Allah qui a voulu que cette chose-là se produise. Et il mentionne le verset 253 dans Surat al-Baqarah. Il dit, et si Allah aurait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah, il fait ce qu'il veut. Ça prouve que les guerres se produisent par la volonté d'Allah. Et tout ce qui se produit dans l'univers, ça se produit uniquement par la volonté d'Allah. Et que ce soit bon ou mauvais, ça se produit par la volonté d'Allah. Donc, que Allah l'aime ou qu'il ne l'aime pas, ça se produit par la volonté d'Allah. C'est pour ça que les ulama ils séparent entre la volonté qui est l'irada al-kawniya et l'irada al-shara'iya. L'irada al-kawniya, c'est la volonté qui a rapport avec la création, tout ce qui se passe dans ce que Allah a prédestiné et ce qu'il a créé. La volonté universelle ou la volonté créationnelle. Puis il y a l'autre volonté qu'on appelle l'irada al-shara'iya, la volonté qui est reliée à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qu'il a ordonné ou interdit dans sa révélation. Et cette volonté-là, ça se limite uniquement à qu'est-ce qu'il a aimé et qu'est-ce qu'il a ordonné dans sa révélation. Tandis que l'irada al-kawniya, ça implique toute chose, que ce soit quelque chose que Allah aime ou qu'il n'aime pas. De plus, il y a une différence entre les deux. C'est que la volonté dans la révélation, dans ce qu'Allah a révélé et ordonné dans sa révélation, ça c'est ça peut se produire comme ça peut ne pas se produire. Tandis que la volonté dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la prédestination, ça doit absolument se produire quand Allah l'a voulu. Parce que Allah dit dans le Coran, إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ordonne quelque chose, il n'a juste, إِذَا أَرَادَ شَيْئًا, l'ordre d'Allah, quand il veut quelque chose, il n'a juste qu'à lui donner l'ordre d'être, et elle est. Il lui dit soit, et elle est. Donc, ça c'est la volonté qu'on appelle kawniya. Kawniya, ça vient de ça, de kun. Quand il dit kun, ça y est kun. De là que ça vient kawniya. C'est sa volonté qui vient de sa création, dans la création, qui est exprimée par le fait qu'il crée cette chose. Ok? Et c'est de cette manière qu'on réfute aux Jabriya, eux qui pensent que si quelque chose se produit dans le monde, c'est-à-dire que c'est la preuve que Dieu l'aime. Donc ils disent, Allah n'a pas ordonné quelque chose excepté ce qui se produit. C'est faux. Donc ils vont dire, s'il y a des gens qui boivent de l'alcool, ça veut dire que Dieu aime l'alcool. Ou s'il y a des gens qui font du shirk, ils croient que ça veut dire que c'est Allah qui aime le shirk. Non. Alors, elle a prédestiné le shirk, mais il n'aime pas le shirk. Et la preuve qu'il ne l'aime pas, c'est qu'il l'a interdit dans son livre. Il a envoyé des messagers avec des révélations pour l'interdire. Et il a dit, ceux qui font le shirk vont aller en enfer, et il a préparé l'enfer pour eux. S'il l'aimait, il n'aurait pas menacé les gens qui le font, hein, de cette punition-là. Et il a présenté la récompense pour ceux qui ne font pas le shirk, et il a dit qu'ils vont aller au paradis, et ainsi de suite. Donc ça c'est le troisième point. Je suis sorti un peu du texte, mais c'est des détails que le cheikh Fawzan a expliqué dans d'autres livres également. C'est juste pour clarifier un peu plus le sujet. Il dit, un autre verset aussi, « Inna allaha yaf'alu ma yasha » Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Donc quand on parle de « yasha », ça c'est ce qu'on appelle, qu'on exprime par le terme « al-mashi'a », c'est-à-dire la volonté. Et quand on dit « mashi'a », c'est un synonyme de « irada kawniya ». Ok, mashi'a, c'est la même signification que irada kawniya. Mais c'est pas, mais, donc ça veut dire que c'est pas l'irada al-shar'iya. Al-mashi'a, c'est un synonyme de irada al-kawniya. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est nécessairement relié à ce que Allah aime. Ça veut dire, dans la volonté qui est reliée à la création d'Allah, ou al-kawniya, ce qui se produit peut être aimé d'Allah, comme elle peut ne pas être aimée d'Allah. Hein? Comme par exemple, quand il a prédestiné ou quand il a voulu que des gens soient kuffar. Ça, c'est pas quelque chose que Allah aime. Donc, ça rentre dans l'irada al-kawniya. C'est pas l'irada al-shar'iya. Parce que dans l'irada al-shar'iya, c'est ce qu'il aime seulement. Et ce qu'il aime, c'est que les hommes soient des mu'minines. D'accord? Ok. Donc, il y a al-martaba al-rabi'a. Donc, toute chose qui arrive, c'est Allah qui l'a voulu. Et il a voulu après qu'il l'ait su. Hein? Bien entendu, aradahu ba'dama alimahu, pardon. Il l'a voulu après qu'il l'ait su. C'est-à-dire, il l'a su en premier, après il l'a voulu. Après, il l'a écrit dans les tables préservées. Puis, ensuite, il a créé. Et c'est ça le quatrième point. Al-martabatu rabi'a, martabatu al-ijad wal-khalq. Alimahu wa katabahu wa sha'ahu wa khalaqahu. سبحانه وتعالى ولا بد أن تؤمن بهذه المراتب كلها وإلا لم تكن مؤمنا بالقضاء والقدر. Le Cheikh dit comme quatrième point, c'est le degré de la création et de le fait qu'il fait exister quelque chose. Et donc ça veut dire que Allah a su la chose, ensuite il l'a écrit, ensuite il l'a voulu, et ensuite il l'a créé. Ça c'est les quatre degrés. Donc, à propos de n'importe quelle chose qui se produit dans l'univers, tu peux dire ces quatre choses-là. Que Allah il l'a su, il l'a voulu, Allah l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu et il l'a créé. Hein? Peu importe qu'est-ce que c'est la chose. Hein? Donc, il faut absolument croire en ces quatre choses-là, sinon ta foi en al-qadar al-qadar elle n'est pas complète. Ensuite, le Cheikh il termine ce point en disant فقوله والفرقة الناجية سميت الناجية لأنها ناجية من النار بخلاف بقية الفرق فإنها في النار كما قال صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هذه الواحدة هي الناجية من النار وهذه الفرق في النار وهي تتفاوت منها ما هو في النار لكفره ويخلد فيها ومنها ما هو في النار لمعصيته ولا يخلد فيها فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة بل هي متفاوتة لأن الخلاف يتفاوت. Donc le Cheikh il dit que le groupe sauvé, comme le Cheikh il mentionne dans quand il commence à expliquer le point, il dit le groupe sauvé est entre le juste milieu dans les questions des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, entre les Qadariyya et les Jibriyya. Donc le groupe sauvé c'est qui? Il a été appelé le groupe sauvé, pourquoi? Parce qu'il est sauvé de l'enfer. Contrairement aux autres sectes qui sont toutes en enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on a mentionné au deuxième cours, que cette Ummah va se diviser en 73 sectes, elles seront toutes en enfer excepté une. Et ce groupe qui va être sauvé de l'enfer, et ces autres sectes qui vont être en enfer, elles ne sont pas égales ou au même degré. Elles ont des, il y a des niveaux entre elles. Elles ne sont pas toutes au même degré d'égarement. Ok. Il y en a parmi ces groupes-là, parmi les groupes qui vont être en enfer, les 72 sectes, il y en a parmi elles qui vont être en enfer pour leur mécréance ou pour sa mécréance et qui vont demeurer éternellement en enfer. Tandis qu'il y en a d'autres parmi eux qui vont être en enfer pour des péchés qu'ils ont faits ou pour des bid'ah, et ceux-là ne vont pas demeurer éternellement en enfer. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on dit qu'ils sont en enfer qu'elles sont toutes mécréantes. Il faut savoir qu'il y a des différences entre elles et qu'il y a des divergences entre elles. Et donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous dans un seul et même statut dans l'enfer. Ensuite, le cheikh il termine ça en disant wa qawluhu wasatun fi bab af'alihi ta'ala bayna al-qadariyya wal-jabriyya. Al-jabriyya hum athba' al-jahm ibn Safwan alladhi yaqulu bil-jabr, yaqulu bil-irja' wa yaqulu bil-tajahhum. ولهذا يقول ابن القيم في النونية جيم وجيم ثم جيم ومعهما مقرونة مع أحرف بوزاني pardon. جيم وجيم ثم جيم معهما مقرونة مع أحرف بوزاني يعني جيم بين ثلاث جيمات الرابعه جيم جهنم والعياذ بالله. Donc le cheikh explique, il dit que donc le groupe sauvé il est dans le juste milieu dans les questions des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont rapport avec le qadar entre les qadariyah et les jabriyah. Et al jabriyah il dit que le jabriyah ce sont ceux qui ont suivi al jahm ibn Safwan et ce sont ceux qui disent que on est contraint dans nos actions al jabr. Et donc, ça fait partie d'une des égarements de Jahm ibn Safwan. Mais il y a trois grands égarements de Jahm ibn Safwan dans l'Aqidah, même plus que ça encore, mais ça c'est les plus importantes. Al-Jabr, Wal-Irja, Wal-Tajahum. Al-Jabr, c'est dans le Qadar, il affirme Qadar en disant qu'on n'a pas de volonté. Al-Irja, c'est dans l'Iman. Eh ben, c'est des extrémistes dans l'Iman. Parce que eux, ils disent, dans la question de la foi, les Jahmiyyah, ils disent que, du moment que tu connais Allah, t'es un croyant. Du moment que tu connais Allah, tu es un croyant. Donc pour eux, Iblis est un croyant. Et Pharaon est un croyant. Parce qu'il connaissait, soi-disant, il connaissait Dieu dans son cœur. Donc ça c'est des extrêmes parmi les extrêmes de Jahm ibn Safwan. Et également dans Tajahum dans le sens de la négation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est un autre exemple dans des égarements qu'il avait. Donc il a des égarements dans plusieurs points de la foi et de la croyance islamique. Dans la foi, dans le qadar, dans le tawhid, dans Asma al-Sifat, ainsi de suite. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit dans un poème qu'il a écrit qui s'appelle An-Nuniyah, il explique qu'il y a les trois djinns dans ces mots-là. Le djinn dans le jabr, le djinn dans l'irja et le djinn dans le tajahum. Donc il a dit, il a réuni trois djinns. Ok? Et il dit ces trois djinns-là, c'est les djinns de Jahmiyyah. Et le quatrième djinn, c'est pour Jahannam. C'est-à-dire qu'ils vont aller en enfer à cause de ça. À cause de ces croyances-là. Et donc, il dit qu'Allah nous en protège. Donc, ça vient terminer la question de Qadar par rapport à l'aqidah de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc, ça clarifie bien la position d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et ça clarifie également la position du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab dans cette question-là. Et ça nous fait voir clairement qu'il est sur la voie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah à ce sujet-là. Demain, Inch'Allah, on va faire un autre point qui a rapport avec la question de Al-Wa'id et on va montrer que le Cheikh il est entre les deux extrêmes par rapport au Murji'a et au Khawarij Al-Wa'idiyya dans cette question-là. Bon, Al-Jahmiyyah c'est le, un des premiers, un des, c'est Jahm ibn Safwan qui a ramené cette bid'a, et dans ce groupe-là, il y a beaucoup de formes d'extrémisme. Dedans, il y a l'irja, dedans, il y a l'qadari, il y a l'jabriya. Mais aujourd'hui, il n'existe plus les, le groupe des Jahmiyyah en tant que groupe individu, séparé. Mais il y a beaucoup de jama'at ou de firaq qui ont des croyances qui sont inspirées de la croyance des Jahmiyyah, comme par exemple les Asha'ira et les Mu'tazila. Et donc, la plupart des firaq qui sont apparus par la suite, ils sont inspirés des Jahmiyyah. C'est des choses qu'on a remarquées. Wallahu a'lam. Donc on va s'arrêter ici, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وفيكم بركة أخي